le fumiste vint saluer sa bienfaitrice, qui lui dit de faire avancer une voiture. Quand le fumiste revint, la baronne le pria de prendre chez lui la petite Atala Judici, de l'emmener sur le champ. « Vous lui direz, ajouta-t-elle, que si elle veut se mettre sous la direction de monsieur le curé de la Madeleine, le jour où elle fera sa première communion, je lui donnerai 30 000 francs de dot et un bon mari, quelque brave jeune homme. Mon fils aîné, madame, il a 22 ans, et il adore cet enfant. » Le baron descendit en ce moment, il avait les yeux humides. « Tu me fais quitter, dit-il à l'oreille de sa femme, la seule créature qui est approchée de l'amour que tu as pour moi. Cette petite fonte en larmes, et je ne puis pas l'abandonner ainsi. Sois tranquille, Hector, elle va se trouver au milieu d'une honnête famille, et je réponds de ses mœurs. « Ah, je puis te suivre alors, » dit le baron en conduisant sa femme à la citadine. Hector, redevenu baron d'Hervy, avait mis un pantalon et une redingote en drap bleu, un gilet blanc, une cravate noire et des gants. Lorsque la baronne fut assise au fond de la voiture, Atala s'y fourra par un mouvement de couleuvre. « Ah, madame, » dit-elle, « laissez-moi vous accompagner et aller avec vous. Tenez, je serai bien gentille, bien obéissante, je ferai tout ce que vous voudrez, mais ne me séparez pas du père Vider, de mon bienfaiteur, qui me donne de si bonnes choses. Je vais être battue. » « Allons, Atala, » dit le baron, « cette dame est ma femme, et il faut nous quitter. »« Elle, si vieille que ça ?» répondit l'innocence, « et qui tremble comme une feuille. Oh, c'te tête !» Et elle imita railleusement le tressaillement de la baronne. Le fumiste, qui courait après la petite Judici, vint à la portière de la voiture. « Emportez-la !» dit la baronne. Le fumiste prit Atala dans ses bras et l'emmena chez lui de force.